croqueur. Dès que tu sors, comment tu vas? T'es un mec ou une nana? En fait, t'es quoi? Tu peux toujours nous dire de bouffer ton trou de maïs, mais on le fera pas. Le fera pas, baby. Chris Rocker, devant ce rideau, tu clames. Baby, toi, tu pleurniches devant ta webcam. Le roi des émos et du drama, c'est toi, on sait que t'es comme ça. T'es comme ça, baby. Walle naze, walle naze, yo, walle naze, oh, walle naze, oh, walle naze, naze, baby, you, you are poop. You, YouTube poop. Walle naze, walle naze, walle naze. Liberty alone, ouais, laissez briller trop guille. Liberty alone, ouais, laissez briller trop guille. Liberty alone! Liberty alone, ouais, laissez briller trop guille. Liberty alone, ouais, laissez briller trop guille. Anyone who has a problem with her, you deal with me. Because she's not well walle right naze. Now. Chris Rocker. C'est drôle derrière le rideau, y'a ta chambre qui est britannisée de photos. Ton channel de YouTube est plein à craquer de vidéos qui font peur aux mômes. Peur aux mômes, baby. Chris Rocker, ton rire est celui d'un cochon. Et encore, c'est une insulte au cochon. Ta perruque et ton makeover fait flipper la planète. Et puis ma belle-mère, baby. Walle naze, walle naze, oh yo, walle niaise, oh walle naze, oh walle naze, naze, baby, you, you are poop, you, YouTube poop, walle naze, walle naze, walle naze. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. In my cornhole hole! Itch! On va jusqu'à t'ériger un show télé. Heureusement qu'en France on n'a pas ta version, parce que sinon on aurait l'air plus con. Walle naze, walle naze, yo, walle niaise, oh, walle naze, oh, walle naze, naze, baby, you, you are poop, you, YouTube poop, walle naze, walle naze, walle naze. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, more, more, more, more! Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. You're lucky she even performed for you, bastard! Liberty alone! Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Liberty alone, ouais, laissez briller tranquille. Walle naze, walle naze, yo, walle naze, oh, walle naze, walle naze, naze, baby. Kiss my ass.